bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 184.0. Ça fait quand même un mois, je pense que ça fait... Le dernier épisode date du 7 février. Donc, ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas jasé. Depuis ce temps, bien sûr, j'ai continué à enregistrer le Grenier Pop qui passe à la radio. Donc, dans cet épisode du Lobster, on pourra entendre l'épisode 23, 24, 25, 26 du Grenier Pop. Dans l'épisode 23, c'est un hommage à Star Trek. Je parle de Star Trek dedans. Épisode 24, vieux film western américain et spaghetti. Épisode 25, je parle du show des Muppets et des 30 ans de Pokémon. Et dans l'épisode 26 que je viens d'enregistrer aujourd'hui, je parle de Saga MP3, du donjon de Nahelbeck jusqu'aux aventuriers du Survivor. Bref, ce sont les sujets que vous pourrez entendre dans les 4 épisodes que je vais passer là à la fin de ce Lobster. Sinon, quoi de neuf ces temps-ci? J'écoute le nouveau Star Trek qui est tellement bon, c'est Starfleet Academy. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais on suit les aventures de jeunes qui vont à l'Académie de Star Trek. Ça se passe comme, 300 ans après qu'il y ait eu un grand boom, là, qui a détruit plein d'affaires, mais là, tout est en train de redémarrer, puis c'est la construction de ça qu'on voit avec la jeune Académie. C'est tellement bon. Les deux premiers épisodes de Starfleet Academy, je les adore. On tombe dans l'action vraiment, vraiment vite, puis le sujet est bon, puis en tout cas, moi qui est fan de Star Trek, bref, j'ai adoré ça. Sinon, quoi d'autre au niveau jeu de cartes? Star Wars vient de sortir une nouvelle série. Ça s'appelle Lawless Time. C'est la dernière édition là, qui est sortie de cartes. Puis avec ce nouveau set, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une rotation. Les trois premiers sets ne sont maintenant plus légales là, en tournoi. Je ne peux plus utiliser les cartes des trois premiers sets. Bien sûr, comme Magic the Gathering, il y a maintenant un nouveau format de tournoi qui s'appelle Eternal, qui lui permet de jouer avec toutes les cartes. Mais là, présentement en magasin, on joue au format avec les sets légales. J'étais allé au tournoi la semaine passée. On était 11, j'ai fini 9e sur 11. J'étais pas bon à ce tournoi-là. On débouchait 6 paquets, puis on construisait nos decks. Mais bon, ça a pas bien marché ce que j'avais bâti, mais c'était vraiment amusant. C'est un jeune qui a gagné, un jeune qui venait pour la première fois avec son père, puis son père l'a comme aidé à bâtir son deck. Là, on a tout le temps 50 minutes pour bâtir notre deck. Puis bien sûr, le jeune jouait avec son père à la maison avec les autres cartes. Là, mais bref, il a gagné puis il était vraiment content. Dans ce temps-là, les prix, on paye tout 15$ plus la boîte avec les cartes pour jouer le tournoi. Puis avec le 15$ qui est donné en surplus, le marchand, lui, bâtit un prix. Là, peu importe là, que tu finisses de premier à dernier, tu gagnes quelque chose. Mais c'est sûr que quand tu finis en premier, là, il te donne des paquets de Carbonite. C'est des paquets qui sont à 35$, 40$, qui contiennent des cartes de prestige dedans, qui ont des dessins différents, qui valent plus cher. Mais là, avec le nouveau set qui vient de sortir, les cartes prestige se retrouve maintenant aussi dans les paquets normales, qui est un bel ajout parce que moi, bon, je ne suis pas collectionneur de Star Wars, là, je joue parce que j'aime jouer au jeu, mais je ne collectionne pas les cartes, donc je n'achète pas ces paquets-là qui coûtent 40$. Je trouve que ça ne vaut pas la peine pour pogner une carte qui a juste un dessin différent qu'un autre. C'est sûr que le dessin est magnifique, mais bon, 40$ pour 12 cartes, là, ça devient exagéré, juste pour avoir un beau dessin. Mais là, c'est ça, j'ai acheté deux boîtes de cartes, c'est des boîtes de, je sais pas, 24 paquets. Dedans maintenant, c'est ça, j'ai pogné 5 de ces cartes de prestige-là qui ont les beaux dessins. Donc, c'est un bel ajout là, qu'ils nous les mettent dans les paquets normaux. Puis moi, mon plaisir de jouer à Star Wars, c'est de jouer des decks qui ont Luke Skywalker dedans. Dans le premier set qui s'appelait Spark of Rebellion, Il y avait le Luke Skywalker le plus fort là, avec Darth Vader. Évidemment, moi j'avais 3 Luke et j'avais 2 Darth Vader. Maintenant, je peux plus jouer avec. Je dois rebâtir mes decks là, et trouver des nouveaux Luke Skywalker. Et dans la nouvelle édition, alors Last Time, ils ont sorti un nouveau Luke et ils ont sorti un nouveau Darth Vader, mais il est en leader, donc il n'est pas nécessairement en carte tout seul. C'est une carte leader qu'on met en jeu dès le départ. Et ce nouveau Luke là, bon, il coûte un petit peu plus cher, puis son pouvoir est un petit peu moins fort que le Luke original. Mais là, j'ai été quand même chanceux, j'en ai pogné 2 dans mes 2 boîtes. C'est des cartes qui coûtent quand même 50$ là. C'est les cartes de personnages principaux comme Luke ou Ben Solo ou Léa ou ces genres Chewbacca aussi, ben ça coûte très cher là, quand ils sont durs à pogner. C'est des cartes légendaires dans Star Wars, donc plus difficile à avoir, mais j'ai été chanceux. Moi, c'est mon but de jouer avec Luke, puis j'en ai pogné 2. Puis on peut avoir au maximum 3 cartes différentes, 3 cartes maximum pareilles. Donc il m'en manquerait juste un, mais je ne pense pas, vu qu'il n'est pas aussi fort que l'ancien. L'ancien, j'avais acheté ceux qui me manquaient pour en avoir 3, mais lui, vu qu'il est un petit peu moins fort, j'ai pas le goût. Je vais jouer avec les 2 que j'ai, tout simplement. Donc voilà, je pense... Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, je joue encore à mon jeu, là, je suis rendu un peu... Je joue encore au jeu là, qui me martyrise, Kenshi. Ce jeu là qui dont le but est de nous faire souffrir. J'ai reparti une game dans ce jeu. Et là, tous mes personnages, bon, ça, je le faisais avant, là, sont des nains. Quand c'est le temps de faire de modifier leur apparence, j'ai mis de petites tailles avec des gros pieds. Fait que ça ressemble un peu à des hobbits. Puis ils ont une belle allure là, quand je me fais une escouade dans le jeu. Puis là, c'est ça, j'ai tout nommé mes personnages des noms des gens de ma famille. Fait que le premier personnage, c'était moi, c'était Fred. Après ça, j'ai mis Alex. Après ça, Julie, Antoine, Rodrigue, Liz. Toute ma famille est là dans le jeu. Fait que là, on s'amuse. Et là, j'en ai déjà, il y en a plusieurs qui sont morts déjà, que j'ai de la misère à remplacer. Le jeu me fait encore aussi souffrir. Mais là, j'ai pris une nouvelle tactique. Quand j'ai joué dans mon autre game, mon personnage principal... c'est lui que j'avais monté de haut niveau et qui était rendu assez fort pour nous défendre un peu à la ville, ok? Mais là, j'ai pris une nouvelle tactique, j'entraîne 2 personnages immédiatement plus forts et je suis allé chez le marchand d'armes le plus fort là, du jeu. Ben là, évidemment, vu que j'ai déjà joué chez Istrovu, je me suis déplacé là et avec de l'argent, j'ai pu acheter les 2 meilleures armures et les 2 meilleures armes. Donc, j'entraîne Fred et Alex, mes 2 personnages, ensemble. Et là, ça va être à eux à nous défendre, à défendre notre village. Mon village est déjà créé. Parce que là, ayant déjà joué au jeu, j'ai compris un peu comment ça fonctionne pour avoir de l'argent rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'achète, pas des esclaves, là, mais des personnes qui étaient esclaves puis qu'on libère. Puis on les met juste à travailler. Fait que tout ce qu'ils font, j'ai acheté dans certaines villes une maison dans la ville. Puis il y a comme une intelligence artificielle. Puis je dis au personnage, toi, tout ce que tu fais, c'est que tu t'en vas miner. Puis quand tu es plein, ton sac à dos est plein, tu retournes à ma petite maison dans laquelle j'ai mis un conteneur dans lequel ils peuvent déverser ce qu'ils gagnent. Fait que j'ai pas besoin de m'en occuper. Ils travaillent. Puis quand j'ai besoin d'argent, je fais juste cliquer sur eux. Puis là, je mets tous les minéraux sur eux. Puis je vais juste vendre au magasin à côté. Des fois, je suis obligé de faire 2-3 magasins parce que le vendeur n'a pas assez d'argent pour acheter tout ce que j'ai. Mais bref, c'est ça le truc. Puis ces personnages-là, quand je vais vendre les minéraux, tout ce que je fais, c'est que je les restocke en nourriture pour qu'ils ne manquent pas de bouffe. Donc, eux sont comme des mules qui me ramassent de l'argent pendant que je m'amuse à entraîner mes autres personnages et pendant que je me construis un village. Puis là, c'est ça, j'ai découvert que dans mon village, si je construis des champs, eh bien, il y a comme des grosses créatures anciennes, des raptors, là, qui viennent attaquer, ils détruisent les murs de la ville pour pouvoir juste venir manger mon blé dans mon champ. Fait que là, ça, c'est une nouvelle chose que j'ai remarqué. C'est pas une bonne idée de construire tout de suite au départ des champs, mais bon, bref, trop tard, là, j'ai des champs déjà des champs de coton pour faire du linge. Bref, j'ai toutes sortes de choses. Je suis obligé de défendre ma ville. Puis là, la technique que j'ai prise, c'est de me cacher, parce que le jeu, il a quand même la gentillesse de nous avertir qu'une escouade nous attaque, vient de cibler notre ville. Puis comme j'ai mis 2 murs d'épais, Le temps qu'il défonce le mur ou la porte, j'ai le temps de cliquer sur tous mes personnages dans le village. Puis là, je les mets en mode furtif, puis je les envoie se cacher dans un coin, puis ils attendent une journée ou deux le temps que les méchants repartent de la ville. À date, les méchants ont toujours quitté ma ville après deux jours ou un jour. Ce qui m'est arrivé dans l'autre game, c'est que les méchants ne partaient plus. C'était des ninjas, puis ils avaient envahi mon village. Et peu importe ce que je faisais, ils restaient là. Puis j'avais amené deux groupes de mercenaires pour les tuer. J'avais engagé des gens. Puis une fois qu'ils avaient été tués, ben un autre groupe est arrivé. Bref, j'avais abandonné. Fait que là, c'est pour ça que j'ai recommencé. Et j'essaie de faire les choses un petit peu différemment en entraînant deux personnages. Et quand ils seront assez forts, ben on va défendre notre ville, puis on va la monter de niveau au maximum. Parce que, comme je disais, j'ai déjà dit, plus on la monte de niveau, plus ça génère d'attaques dans le jeu. Vu que le niveau de technologie est augmenté, ça attire l'attention. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça qui se passe dans ma vie. Le printemps arrive, le terrain est en train de fondre, j'ai hâte de pouvoir semer des choses, de voir l'ail qui pousse, de voir les fleurs sortir. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute des épisodes du Grenier Pop. Ça suit à l'instant. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie, je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Ce fameux grenier qui recèle une multitude de souvenirs, de curiosités et d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, cap sur les étoiles. Je pense qu'avec l'intro d'ouverture, vous allez immédiatement reconnaître de quoi on parle cette semaine. Espace, frontière de l'infini. Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. J'avais le goût de jaser de Star Trek cette semaine dans le Grenier Pop. On s'attaque donc à l'un des univers de science-fiction les plus influents de tous les temps. Un phénomène culturel qui est devenu un mythe et qui continue d'évoluer près de 60 ans après sa création. Nous, au Québec, on l'a connu au début sous le nom de Patrouille du Cosmos. C'était il y a longtemps quand même, là, à Télémétropole. Elle est apparue sur nos écrans en 1969. Mais tout d'abord, l'histoire de son créateur, Gene Roddenberry. Avant de devenir l'un des créateurs les plus influents de la science-fiction, Roddenberry était avant tout un conteur animé par une idée simple, le futur peut être meilleur que le présent. Né en 1921 en Californie, il a commencé sa carrière bien loin des plateaux de télévision. Oui, en effet, Roddenberry a travaillé comme pilote dans l'armée américaine, puis comme officier de police à Los Angeles. Donc, il y a eu un parcours qui lui a donné une vision plutôt humaine du monde et des conflits, une vision qui deviendra la base de son œuvre. Dans les années 60, alors que la télévision américaine explore surtout les westerns et les comédies familiales, Roddenberry ose proposer quelque chose de différent. Une série se déroulant dans l'espace, mais qui parlerait avant tout d'humanité, de diversité, de coopération et de progrès. Bon, l'idée était audacieuse, un peu utopiste pour l'époque, mais elle a fini par convaincre une chaîne de lui laisser une chance. C'est ainsi qu'en 1966 naît Star Trek, un projet qu'il décrit lui-même comme un western spatial, mais aussi comme un laboratoire d'idées où il peut traiter de thèmes sociaux, philosophiques et politiques à travers des histoires futuristes. Roddenberry ne cherche pas seulement à divertir, il cherche à ouvrir des portes, à montrer un futur où les humains, malgré leurs différences, travaillent ensemble pour explorer l'univers. Si la série originale de Star Trek est devenue une série culte, ce n'est pas seulement grâce à ses décors colorés ou à ses effets spéciaux d'époque. Non, c'est aussi parce que chaque épisode suivait une recette narrative, presque un rituel, qui donnait au public une sensation de familiarité tout en l'amenant chaque semaine vers l'inconnu. Tout commençait presque toujours par une mission apparemment simple. L'USS Enterprise devait explorer une planète mystérieuse, enquêter sur un signal étrange ou répondre à un appel de détresse. Mais comme dans toute bonne aventure, les choses se compliquaient assez vite. Dès que le capitaine Kirk et son équipe se téléportaient sur place, ils découvraient un monde qui cachait un danger inattendu, une civilisation en crise ou un phénomène inexplicable. C'est alors que le véritable cœur de la série se mettait en place. Le trio Kirk, Spock et McCoy, chacun était là et représentait un aspect fondamental de l'humanité. Kirk, lui, incarnait plus l'action et l'intuition, Spock, la logique pure, tandis que McCoy était là pour nous fournir un peu d'empathie et amener un peu de morale à tout ça. Ensemble, donc, ils se retrouvent souvent au centre de dilemmes philosophiques ou sociaux qui font toute la profondeur de la série. Ce n'est jamais seulement une question de vaincre un monstre ou de s'échapper d'un piège. Star Trek parle avant tout de choix, d'éthique, de responsabilité. Puis vient la résolution, souvent astucieuse, parfois risquée, mais toujours en accord avec la vision humaniste de la série. Une fois le problème réglé, l'équipage retourne à bord de l'Enterprise pour une conclusion plus légère, une plaisanterie de Kirk, un commentaire logique de Spock, une protestation de McCoy, et le vaisseau repart vers une nouvelle mission. Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps 15-13, jonction 1. Nous sommes en orbite autour de la planète M113. À bord de l'entreprise, M. Spock assume temporairement le commandement. Sur cette planète se trouvent des vestiges d'une ancienne civilisation éteinte depuis très longtemps. Le médecin de bord, le Dr McCoy et moi-même sommes télétransportés sur cette planète accompagnés de mon chef d'équipe Darnell. Notre mission, examen médical de routine de l'archéologue Robert Crater et de sa femme Nancy. À noter cependant que la dite Nancy Crater est une femme que le Dr McCoy a bien connue il y a quelques années. On vient d'entendre l'extrait du premier épisode de Star Trek, première aventure d'un personnage emblématique de la série, et oui, William Shatner, qui incarnera pendant de nombreuses années le capitaine James T. Kirk. Dans l'univers de Star Trek, bon, il y a de nombreux personnages qui sont devenus emblématiques. Vous connaissez sûrement, bon, Jean-Luc Picard, Spock. Mais l'un des visages les plus indissociables de la franchise reste quand même, à mon avis, William Shatner, originaire de Côte-Saint-Luc, et oui, un quartier de Montréal. Il vient de chez nous et parle français. Donc, William Shatner a grandi à Montréal. Il fréquentait, d'après ce que je lis, l'école primaire Willingdon, dans le quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce, et les écoles secondaires Baron Bings et West Hill. Ensuite, bon, il fera des études à McGill, où il obtient en 1952 un bac en commerce. Ensuite, bon, premier succès au théâtre, puis à la TV, dans des séries comme Alfred Hitchcock présente, La quatrième dimension, Au-delà du réel et Le fugitif. Puis finalement, bon, lors de l'épisode pilote de Star Trek, le personnage du capitaine de vaisseau USS Enterprise est Christopher Pike, qui est interprété par l'acteur Jeffrey Hunter. Quand celui-ci refuse de reprendre son rôle pour le second pilote, Shatner, déjà présent dans quelques séries de science-fiction, hérite du rôle du capitaine qui est alors rebaptisé James T. Kirk. Bon, ensuite, le reste, ça fait partie de l'histoire. Ce rôle lui reste collé à la peau depuis ce moment. Bon, ça lui a quand même probablement permis de payer les factures de la maison aussi, car en plus de la série, des films, il fait encore des apparitions dans les Comic-Con là, pour signer des autographes. Bref, il participe encore à garder vivant son rôle de James T. Kirk. Fait étonnant, bon, des décennies après avoir incarné un commandant de vaisseau spatial, Shatner a réellement effectué un voyage dans l'espace. Invité à bord d'un vol suborbital, il est devenu à ce moment, alors qu'il avait 90 ans, l'une des personnes les plus âgées à franchir la frontière atmosphérique. Cette expérience qu'il pensait vivre comme un accomplissement grandiose l'a finalement profondément bouleversé. À son retour sur Terre, notre bon capitaine a expliqué qu'il avait ressenti une émotion d'une intensité inattendue. Voici ce qu'il a dit. Il dit « Ce fut l'un des sentiments de tristesse les plus forts que j'ai jamais éprouvés. Le contraste entre le froid glacial de l'espace et la chaleur nourricière de la Terre en dessous m'a rempli d'une tristesse écrasante. Chaque jour, nous sommes confrontés à la prise de conscience de la destruction progressive de la Terre par nos propres mains, l'extinction d'espèces animales, de la flore et de la faune. Des choses qui ont mis 5 milliards d'années à évoluer et que nous ne reverrons soudainement plus jamais à cause de l'intervention de l'humanité. Cela m'a rempli d'effroi. Mon voyage dans l'espace était censé être une célébration, mais il m'a plutôt donné l'impression d'être un enterrement. » Bon voilà, petite pause musicale maintenant, tout en restant dans notre thème spatial, on va écouter Space Magic Fly, une musique un peu disco futuriste. des épisodes cultes de la série originale de Star Trek se nomme Tribulation. En anglais, The Trouble with Tribble. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un épisode qui est un peu humoristique. Dans cet épisode, l'USS Enterprise est envoyée à la station spatiale Cassette pour superviser une cargaison de quadro-tricycle, une plante qui pousse quatre fois plus vite que la normale, alors que la planète voisine, Sherman, est convoitée par la Fédération et l'Empire Klingon. À l'arrivée, le capitaine Kirk découvre que la mission semble mineure, mais la situation se complique rapidement. Des Klingons arrivent pour faire escale et un vendeur itinérant, Cyrano Jones, introduit à bord de petits animaux poilus, les Tribbles. Ces créatures adorables, c'est un peu comme des gremlins, à la différence qu'eux, ils n'ont pas besoin d'eau pour se multiplier. Non, ils se multiplient à une vitesse incroyable quand ils mangent, envahissant les conduits de l'Enterprise et provoquant chaos et quiproquo à bord de l'Enterprise. Donc, c'est un épisode un peu spécial entre humour, chaos et petites créatures envahissantes. Il reste un classique de la série originale, mêlant comédie, suspense et la fantaisie. Et la camaraderie qui rend chaque mission inoubliable. Donc, si vous avez la possibilité là, de réécouter la série originale de Star Trek, c'est un épisode qui vaut la peine d'être écouté. De quoi s'agit-il, Spock? Il y a quelque chose d'inquiétant à propos de ces Tribbles. Oh, ne me dites pas que vous en êtes amoureux. Allons, bonne insulte, docteur. Ils me font penser aux lys de la vallée. Ils sont statiques, ils ne se donnent aucune peine. Mais ils semblent avoir gros appétit. Je ne leur vois pas d'utilité première. Est-ce que toute chose doit être nécessairement utile pour vous? Ils sont soyeux, ils sont adorables, on dirait de la fourrure et ils émettent un gentil gazouillé. Comme si on mettait de l'hermine sur un violon, docteur, mais je ne vois pas tellement l'avantage. C'est une des nombreuses caractéristiques du genre humain d'aimer les animaux, surtout lorsqu'ils sont gentils comme ceux-ci. Docteur, je connais bien le genre humain et ses caractéristiques. Je dois même reconnaître que je suis parfois pris de court, quoique je m'entraîne à ne pas me laisser emporter dans ses méandres. Spock, je ne sais pas grand-chose sur ces Tribbles, mais sachez que j'ai découvert une petite chose à leur contact. Et quoi donc, docteur? Je les aime. Beaucoup plus que je ne vous aime, vous. Docteur, oui, il y a malgré tout une chose agréable dans leurs caractéristiques. Bien, laquelle? Quand il le faut, ils savent se taire. Si vous voulez bien m'excuser. Maintenant, chers explorateurs du Grenier Pop, embarquez sur le pont de l'Enterprise avec moi et préparez-vous pour un quiz interstellaire. Et oui, on va s'amuser, on va tester vos connaissances sur l'univers de Star Trek, des Tribbles aux Klingons, qui sera le meilleur capitaine à l'antenne aujourd'hui. Donc, pour s'amuser, première question. Après avoir fait le célèbre signe vulcain, la main levée, paume en avant, doigts séparés en deux groupes, index et majeur d'un côté, annulaire et auriculaire de l'autre, que dit Spock dans Star Trek? On écoute la réponse. Longue vie et prospérité. Maintenant, question 2. Dans quelle série Star Trek suit-on la vie à bord d'une station spatiale plutôt que d'un vaisseau? La réponse est Deep Space Nine, DS9. Et oui, Deep Space Nine explore des intrigues politiques et militaires plutôt complexes avec le capitaine Benjamin Sisko à la tête de la station. Maintenant, question 3. Quel adversaire emblématique de Star Trek The Next Generation assimile les espèces et les technologies pour devenir toujours plus puissant? La réponse, les Borg. Et oui, ils vont même assimiler Jean-Luc Picard, qui devient Locutus. Cet ennemi emblématique symbolise la perte d'individualité face à une intelligence collective impitoyable. Et l'épisode de Best of Both Worlds est devenu culte pour son suspense et son intensité dramatique. Pour un point bonus, quelle est la devise d'assimilation des Borg? Nous l'avons en visuel. Appareil Borg sur trajectoire 0.215. Vitesse. Nous Nous sommes les Borg. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans condition. Nous intégrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile. Question 4 dans Star Trek The Next Generation. Quel membre d'équipage androïde est incapable de ressentir pleinement les émotions au départ, mais cherche constamment à comprendre l'humanité et à devenir plus humain? La réponse, c'est bien sûr Data, cet androïde qui sert comme officier scientifique et tactique. Il tente de comprendre l'humour, les émotions et les relations humaines, et sa curiosité fait de lui un personnage attachant et souvent drôle. Docteur, j'aimerais bien saisir ce qui m'échappe ici, c'est-à-dire en quoi faire tomber quelqu'un dans l'eau glaciale est si amusant. Oh, ce n'est rien qu'une farce, Data. Une farce? Oui. Mais ça n'a rien de drôle. Oh. Essayez de comprendre un peu les choses, d'être plus spontané. Goûtez chaque moment et n'hésitez pas à surprendre, d'accord? D'accord. Ah! Maintenant, la question 5, avec un choix de réponse. Le Klingon Worf, célèbre pour son courage et son honneur, aime boire une boisson traditionnelle Klingon qu'il appelle la boisson d'un guerrier. Donc, ma question, laquelle de ces boissons boit-il? A, le jus de prune, B, le lait, C, le vin de sang, ou D, le Coca-Cola. La réponse, c'est le vin de sang. Le vin de sang, c'est une boisson klingonne forte et ambrée, consommée lors de cérémonies ou pour célébrer la bravoure. Worf en boit à plusieurs reprises dans la série pour honorer sa culture klingonne, tout en respectant les règles de Starfleet. Question 6. James T. Kirk est le capitaine dans Star Trek, la série originale. Il est l'un des capitaines les plus célèbres de l'histoire de Starfleet, ayant reçu plusieurs distinctions prestigieuses et accompli de nombreux exploits audacieux. Son deuxième prénom est également assez connu, mais un peu inhabituel. Que signifie le T dans son nom? A. Thomas, B. Tiberius, C. Trevor, D. Tobiar. Et la réponse, eh bien, c'est Tiberius, James Tiberius Kirk. Question numéro 7 maintenant. C'est une question qui est très difficile. Même moi, j'avais pas la réponse quand j'ai vu cette question-là. Cette actrice joue plusieurs personnages dans une grande partie de la franchise Star Trek. Que ce soit dans Star Trek, la série originale, Star Trek, la nouvelle génération, Deep Space Nine, ou même dans les films Star Trek. Peu de gens savent cependant qu'elle est également la voix de l'ordinateur dans la plupart de ses épisodes. Qui est cet artiste multi-talent? A. Marge Simpson, B. Majel Barrett, C. Angela Cartwright ou D. Roseanne Barr? Eh bien, la réponse est Majel Barrett. Majel Barrett était non seulement l'épouse de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, mais elle a aussi incarné l'infirmière Christine Chappell dans Star Trek The Original Series et Laxana Troi dans The Next Generation. Sa voix pour l'ordinateur Computer Engage est devenu un élément iconique de la franchise, reconnaissable par tous les fans. Maintenant, avant de poursuivre notre quiz intergalactique, on fait une petite pause musicale, mais pas n'importe laquelle. Non, saviez-vous qu'il existe une véritable langue klingonne dans l'univers de Star Trek? Oui, oui, une langue complète avec sa grammaire, son vocabulaire et même ses clubs d'apprentissage. Ça, c'est une langue qui a été inventée par le linguiste Mark Okran. Elle est devenue un symbole culte de la saga. Alors, pour le plaisir et parce que dans le grenier pop, on aime mêler le geek et le musical, voici une version très spéciale d'un classique rock, Don't Stop Believing, originalement interprété par le groupe Journey, mais cette fois chanté en klingon. On écoute ça pour le plaisir. Kochim dak jach men shik Ram jep lu pwe mir tich vogleng a shuve Veng a dak nech yun Veng wa dich dak bog et krab Ramdje plupuetit je nach tunech kunech. Tlishka spon fatak le spon we. Keshom chikhe wetach kutche. Wapu lak lak chusha shuv. Wetok ta, itch ta, itch ta, itch ta. Maintenant, dernière question de notre quiz Star Trek. Quand on pense à Star Trek, on imagine souvent les aventures du vaisseau Enterprise. Mais au fil de l'histoire de la franchise, plusieurs vaisseaux ont porté ce nom, chacun commandé par un capitaine différent. Parmi les commandants suivants, lequel n'a jamais commandé un vaisseau nommé Enterprise? A. Jean-Luc Picard. B. Catherine Janeway. C. James T. Kirk. Et D. Jonathan Archer. Bon, je vous donne tout de suite la réponse. La réponse est Catherine Janeway. Elle commande le USS Voyager et non un vaisseau Enterprise. Jean-Luc Picard, lui, commandait l'Enterprise D puis l'Enterprise E. James C. Kirk, c'était le commandant de l'Enterprise NCC 1701. Et Jonathan Archer, commandant de l'Enterprise NX 01 dans Star Trek Enterprise. Voilà, l'émission tire déjà à sa fin, mais avant de terminer, je dois absolument vous parler de la toute nouvelle série Star Trek Starfleet Academy. La série vient tout juste de débuter et elle apporte un vent de fraîcheur à l'univers de Star Trek. Pour l'instant, il y a 6 épisodes disponibles. C'est parfait pour plonger dans cette nouvelle aventure qui explore le quotidien, les défis et la formation des futurs officiers de Starfleet. Hier soir, j'ai écouté les 2 premiers épisodes et c'est, à date, selon mes goûts, la meilleure série Star Trek que j'ai écoutée. C'est tellement bon. On s'attache aux jeunes officiers immédiatement dans le premier épisode et l'action est présente dès le départ. Donc, si vous ne connaissez pas cet univers de Star Trek, cette nouvelle série, je vous le dis, c'est une belle porte d'entrée. Donc voilà, merci d'avoir été là. C'était le Grenier Pop avec Frédéric Lavoie et on se reparle la semaine prochaine. s'abuse des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Ce fameux grenier rempli de souvenirs, de curiosité et d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, en montant au grenier, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, une vieille boîte poussiéreuse remplie de vieux films western. Donc cette semaine, dans le grenier pop, on remonte à une époque où les westerns avaient encore une belle part d'audition à la télé. On a écouté la bande sonore la plus célèbre des films western. C'est la trame sonore du film Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un classique. Mais ce n'est pas de ce film que j'ai le goût de vous parler pour débuter. Non, on démarre avec un souvenir de ma jeunesse. Un film à moitié western, à moitié futuriste, sorti en 73. Je me souviens d'avoir vu ce film quand je devais avoir une dizaine d'années. Je l'ai peut-être même vu au cinéma de 17 heures à l'époque. Et bon, j'avais adoré. Le film se nomme Le Monde de l'Ouest en français. En anglais, c'est Westworld. Voici le synopsis. Le complexe de loisirs de Lost propose à ses visiteurs des mondes historiques reconstitués, peuplés de robots très réalistes. Westworld qui imite l'Ouest américain, Medieval World inspiré du Moyen-Âge et Roman World qui rappelle l'Antiquité romaine. Les visiteurs peuvent y vivre des aventures immersives car les robots sont programmés pour jouer des rôles et interagir avec eux. Peter Martin, qui découvre le parc pour la première fois, y vient avec son ami John Blade. Tous deux choisissent Westworld où les activités incluent duels, saloons et jeux de rôle typiques des westerns. L'attraction la plus connue est un cowboy androïde joué par Yul Brynner avec son regard perçant qui provoque les visiteurs en duel et meurt avant d'être réparé pour recommencer chaque jour. Mais peu à peu, les ingénieurs de Delos remarquent que plusieurs robots des différents mondes se comportent de manière anormale. Refus d'obéir, erreur, incident, le problème s'aggrave et finit par sortir de leur contrôle. Pendant ce temps, Peter et John, qui profitent de leur séjour sans savoir que le parc est en train de dysfonctionner, et lors d'une nouvelle confrontation, le cowboy androïde ne suit plus son programme, il blesse des visiteurs et finit par tuer John. Peter comprend alors que le robot ne reconnaît plus les humains et tente d'échapper au cow-boy devenu dangereux. Poursuivi sans relâche, Peter se sert finalement de son environnement pour endommager et neutraliser le cow-boy. On va écouter un extrait pour se souvenir de ce film. Hey, ne me tuez pas! Qu'est-ce qui vous prend? De quoi avez-vous peur? Tendez vos deux mains. Laissez-moi regarder vos mains. Un touriste. Oh, vous m'avez drôlement fait peur. Voyez-vous, tout est foutu maintenant. Les machines sont devenues folles. Vous connaissez bien ces machines? Ouais, c'est moi qui les répare. Il y en a une qui me poursuit, c'est un tueur. Un tueur? Alors peut-être un modèle 303 ou bien un 306. Si c'est un 306, il est doté d'un système de détection complète. Oh, c'est une merveilleuse machine. Mais c'est qu'il cherche à m'avoir. Le contraire m'étonnerait. Mais qu'est-ce que je peux faire? Désolé, il n'y a rien à faire. Il vous aura quand il voudra. Vous n'avez aucune chance. Enfin, il doit bien y avoir un moyen. Vous faites pas d'illusions. Vous pourriez essayer divers trucs. Lancer de l'acide dans son système visuel, détruire par le bruit son système auditif. Vous pouvez tout essayer. Il sera toujours plus rapide que vous. Je vous le dis, vous n'avez pas une seule chance. J'en ai une. Voilà, dans ce film, la conclusion insiste sur la perte de contrôle de la technologie, les limites des systèmes automatisés et l'idée que les humains ne comprennent pas toujours ce qu'ils créent, ce qui aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est encore d'actualité, me direz-vous. Une petite anecdote sur ce film de Westworld. Ce film a été le premier long métrage de l'histoire du cinéma à utiliser des images générées par ordinateur. Il s'agit des plans de vue à travers les yeux de l'androïde joué par Yul Brynner. À l'époque, il a fallu 8 heures de calcul par image pour obtenir un effet de vision pixelisé. Donc, quelque chose que votre iPhone peut probablement faire maintenant en temps réel avec le bon film. Comme de quoi la technologie évolue. Prochain film, on débute par l'extrait. Que tu fais? Tu fuis ou allons-nous maintenant? Non, je ne m'enfuis pas, je poursuis. Et nous n'irons nulle part, je m'en vais seul cette fois. L'association est terminée. Mais raisonne un peu, mon garçon. Jusqu'ici, nous n'avons fait que raisonner, et voilà le résultat de tes beaux discours. Du calme. De leur plan, ne connaissait que la partie relative à Santa Cruz. Ah, c'était toi, notre stratège, colonel, ce n'était pas moi. Tu aurais dû penser à tout. Oui, on peut encore agir, toi et moi. Ah non, pas toi, moi. J'ai rendez-vous avec l'Indien et j'ai bien l'intention d'y aller tout seul. Tu es bien décidé? Je suis bien décidé. Tant pis, dans ce cas, tout m'y regrette. J'y étais obligé. L'Indien a envoyé 4 hommes à Santa Cruz. Et puis voilà le dernier qui reparaît sans une égratignure. L'Indien est un farnard. Maintenant, tu peux te présenter devant lui, il est probable qu'il te croira. Et n'oublie pas qu'à présent, toute la bande vaut 40 000 dollars de plus. C'est la prime qu'offre la banque à quiconque récupérera l'argent. Tu tiens tellement à rompre notre association. Quel est ton projet? Il faut que tu convainques l'Indien d'aller au nord, jusqu'au canyon du Rio Bravo. Rien de mieux pour une embuscade, nous les prendrons entre deux feux. Et toi de l'extérieur et moi de l'intérieur, comme toujours. Dans cet extrait, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'était la voix française de Clint Eastwood. Le film, et pour quelques dollars de plus, raconte l'histoire de deux chasseurs de primes lancés sur la piste du même criminel. Le colonel Douglas Mortimer, joué par Lee Van Cleef, est un homme calme et méthodique. Ses motivations sont personnelles. El Indio est responsable d'un traumatisme ayant touché sa famille et Mortimer veut obtenir justice. Manco, interprété par Clint Eastwood, lui, jeune chasseur de primes extrêmement habile, est surtout motivé par l'argent. Leur cible commune est l'Indio, un bandit dangereux à la tête d'un gang. D'abord rivaux, Mortimer et Manco comprennent qu'ils ont intérêt à s'allier. Ensemble, ils infiltrent le gang d'El Indio afin de le capturer. Leur coopération mène à un affrontement final où les motivations profondes du colonel trouvent leur résolution, mettant fin au crime d'El Indio. Une des particularités de ce film, c'est la bonne musique, et oui, car ce qui fait le succès d'un bon vieux western, c'est souvent la musique quand les deux protagonistes se regardent les yeux dans les yeux et qu'on attend juste que l'un dégaine son pistolet. Eh bien, bon, c'est souvent de la musique qu'on entend en arrière-plan et qui nous donne cette belle ambiance western. Et là, on va écouter la musique de ce film, la musique d'Ennio Morricone. C'est l'une de ses bandes originales les plus célèbres, avec les sifflements, guitares et motifs typiques de son style dans ce western de Sergio Leone. Si vous pensez que tous les westerns sont sérieux et poussiéreux, eh bien ce film va vous faire changer d'idée. Le film, on l'appelle Trinita, avec deux acteurs que j'adore, qui jouaient souvent en paire et nous ont donné tellement de bons films, avec Terence Hill dans le rôle de Trinita et Bud Spencer dans celui de son frère Bambino. Ce film mélange habilement action, humour et bagarre légendaire. C'est ce qu'on appelle un western spaghetti. Le terme western spaghetti désigne les westerns produits en Italie dans les années 60 et 70. Ils se caractérisent par des duels spectaculaires et très stylisés, des personnages exagérés, souvent anti-héros, une musique reconnaissable avec des thèmes chantants ou des sifflements et parfois même une touche d'humour, surtout dans les films avec Terence Hill et Bud Spencer. Donc, dans ce film, Trinita est un tireur incroyablement habile, mais bon, il a le défaut d'être paresseux. Avec son frère Bambino, il traverse une petite ville du Far West où des bandits sèment le trouble. Grâce à leur talent et à leur astuce, les deux frères neutralisent les bandits, sauvent les habitants et s'en sortent toujours avec humour et un sourire. Conclusion? On l'appelle Trinita, n'est pas un western classique sérieux, c'est un western spaghetti, comique et rythmé où le talent des frères Hill et Spencer transforme chaque duel et bagarre en moment de pur plaisir cinématographique. On écoute un extrait. En passant, ce film, il est disponible en qualité haute définition sur YouTube. Je viens de le télécharger pour le rajouter sur mon gros disque de films. Je ne l'avais plus. Donc, si ça vous tente de l'écouter, il est là, disponible sur YouTube. Juste chercher pour On l'appelle Trinita. Allez, viens. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, on s'en va. Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Et pèle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Allez, viens, on s'en va. Et combien, Terrico? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Hé, Trinita. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Bon. Alors raconte. Ma femme, elle avait mes amis au bord de la rivière. Moi, je faisais la siesta et subito, elle crie. Un enfoiré de gringo qui l'a plotté, il a plotté ma femme pour lui piquer mes amis, des amis toutes neuves. Alors j'ai bondi, le gringo, il est tombé sur moi, raide mort. Il devait avoir une maladie de cœur. Et c'est ça, t'as des témoins? Non, seigneur. Cherche bien. Non, seigneur. Pas un seul? Non, seigneur, nada. T'es sûr? Si, seigneur. Juste ma femme, et le gringo, moi et mes amis toutes neuves. Alors j'ai bondi, le gringo. Et il est tombé sur ton couteau, oui, je sais. J'avais choisi cet extrait pour pouvoir laisser jouer la musique. Musique avec sifflement, comme je vous disais, qui caractérise ce type de western spaghetti. Maintenant, un vrai bon film, un digne représentant des films western américains. Le film La conquête de l'Ouest, qui raconte l'épopée western et qui dure presque 3 heures. Donc, si vous pensez qu'un western se raconte en 1h30, eh bien, La conquête de l'Ouest va vous faire mentir. Presque 3 heures de fresque hollywoodienne. Un casting de rêve avec des grands noms comme John Wayne et Henry Fonda. Et une plongée totale dans la mythologie du Far West américain. Donc, ce film est fait un peu différemment des autres. Ce film est structuré en 4 parties distinctes, chacune racontant une étape de l'expansion de l'Ouest américain. En premier, les pionniers et la survie dans les terres sauvages, avec James Stewart incarnant un colon courageux. Ensuite, les conflits avec les Indiens et les tensions locales dans une atmosphère dramatique et historique, suivi de l'arrivée du chemin de fer et le développement des villes avec Henry Fonda jouant un personnage clé dans la construction ferroviaire, et finalement, les aventures et défis personnels des héros où John Wayne incarne un aventurier emblématique. Chaque segment dans ce film fonctionne comme un petit film indépendant, mais tous s'entrelacent pour créer une grande fresque de l'Ouest américain. Presque 3 heures en technicolore et panoramique, typique des grandes épopées des années 50 et 60. Ce film, bon, est très différent du western spaghetti italien. Ici, on privilégie la grandeur, le drame et les paysages majestueux plutôt que les duels rapprochés ou l'humour. On a aussi une musique orchestrale et dramatique qui accompagne chaque segment avec émotion et tension. Donc, ce film est plus qu'un simple western, c'est une fresque historique et mythique qui capture la conquête et l'esprit de l'Ouest américain. Maintenant, on va entendre un extrait, c'est la narration qui débute la première fresque de ce film. Cette terre a aujourd'hui un nom. Ses montagnes et ses vallées figurent sur les cartes. Mais ces vallées, ces montagnes, cette terre, il a fallu les conquérir. les conquérir sur la nature et sur l'homme primitif. 5 générations avant nous, il y a à peine 125 ans, ce pays n'était désigné que par un mot, l'Ouest. Seuls quelques rares hommes blancs y avaient pénétré, des trappeurs solitaires explorant ces immensités pour y trouver des castors. On les appelait les montagnards. C'était une nouvelle race d'hommes, tels que Lawrence Rawlings, plus indiens que les Indiens eux-mêmes, sauf par le sang. Ils ne connaissaient d'autres lois que la leur, erraient comme des nuages poussés par le vent, ne se fixaient nulle part, marchaient toujours. Leurs mocassins et les sabots sans fer de leurs chevaux ne laissaient pas de traces. Comme les Indiens, avec lesquels ils vivaient en paix, ils se contentaient de ce qu'ils trouvaient, et c'était peu. La montagne, la forêt, la terre hostile étaient pour eux aussi nuables que les astres et aussi implacables. Très loin, derrière les montagnes, au-delà de l'étendue des plaines, ils avaient laissé les gens de l'Est. Des gens qui, à leur manière, ne connaissaient pas non plus le repos. Ceux-là ne voyaient dans une montagne que l'eau qui en coulait, dans une forêt que le bois de construction, dans un amas de pierres que le champ à cultiver. D'instinct, leur visage se tournait vers l'ouest. Mais tandis que pour les trappeurs, la piste d'un loup ou le fond d'une crevasse était un passage suffisant, pour des familles entières, impatientes de suivre la marche du soleil, il fallait des chemins plus larges. Il n'y avait pas de route dans ces solitudes, mais uniquement des fleuves. Et ils coulaient en général vers le nord ou vers le sud. Ceux qu'on pouvait remonter vers l'ouest s'arrêtaient aux monts Allegheny. Lorsqu'un jour, une nouvelle voie d'eau prit sa source dans l'imagination d'un nommé DeWitt Clinton. Il conçut l'idée d'un fleuve qui mènerait vers l'ouest. Et en bon américain, il transforma son rêve en réalité. Le canal de l'Érier quittait l'Hudson au-dessus d'Albany et conduisait directement jusqu'au Grand Lac. Aux gens avides de se faire une nouvelle vie sur des terres vierges, la voie était ouverte. Et ils se mirent en route. La fierté d'Utica va appareiller. Tous à bord de la fierté d'Utica. La famille Ramsey. Pour conclure cette émission du Grenier Pop, j'ai encore le temps de vous parler d'un dernier film. Et pour changer un peu du sérieux des westerns classiques et spaghettis, j'ai choisi le film Les Trois Amigos. Un film qui mélange humour, aventure et cow-boy, mais à la sauce comédie. C'est un film qui est quand même récent par rapport aux autres dont je vous ai parlé. Ici, on est en 1986 avec Steve Martin, qui joue Lucky Day, un acteur de cinéma muet un peu prétentieux, Chevy Chase et Dusty Bottom, le cowboy charmant mais maladroit, et Martin Short incarne Ned Niederlander, le troisième amigos drôle et souvent gaffeur. Les trois hommes sont des stars de cinéma muet dans les années 1910, jouant des héros dans des westerns fictifs. Mais un village mexicain, convaincu qu'ils sont de vrais justiciers, les supplie de les aider contre un bandit local et sa bande. Au départ dépassé, les trois amigos doivent faire semblant d'être courageux jusqu'à découvrir qu'ils peuvent réellement protéger le village. Entre duels ridicules, quiproquos et situations absurdes, ils finissent par unir leurs forces dans des moments à la fois drôles et héroïques. Le film est une parodie brillante des classiques du western, mais avec le style comique des années 80, et il reste culte grâce aux répliques absurdes et aux gags physiques des trois acteurs. Et maintenant, pour vous donner un avant-goût de l'humour et des situations loufoques du film, voici un extrait sonore des Trois Amigos. Dans l'extrait, les Trois Amigos ne savent pas que les méchants bandits qui viennent au village sont de vrais truands. Eux pensent qu'ils sont là pour donner un spectacle. C'est un peu plus tard qu'ils vont se rendre compte qu'ils doivent vraiment protéger le village. Mais comme ils sont sans peur car ils ne prennent rien au sérieux, les gens n'en croient pas leurs yeux. Imaginez-les habillés avec d'immenses sombreros noirs et des habits remplis de paillettes. Donc, on écoute l'extrait. Thank you. On aurait pu avoir une répétition. Bah, il semble que non. Oh, et après, ils l'ont probablement déjà fait 1000 fois, on sait ce qu'on a à faire. J'en vois que 3, moi, comment ça se fait? Parfait, Rodrigo avait parlé de 50. Attention, hein, faut pas se laisser payer que la moitié. Portez-moi de la tequila, plus vite que ça. Dites donc, ils n'ont pas l'air manchots. Hein? Ah, tu veux rire? Ils font des vieux trucs connus de tout le monde. On va leur permettre une minute de rigolade. J'espère que les chevaux qu'ils nous fournissent sont bons. C'est mon plaisir d'aller à la cantina. J'avais tué quelqu'un. Ok, amigos, ça y est. Ned, fais un beau sourire. Dusty, un air amusé, décontracté. Mais je m'amuse déjà d'avance. Ouais. Je m'appelle Lucky Day. Et moi, Ned Lederland. Et moi, Dusty Bottom, c'est ensemble, on est... Les trois amigos. En selle. Yeah! Voyous, sans foi ni loi, à valeur d'excréments, tristes enfants d'un bouc incestueux. Les enfants d'un bouc incestueux? Et vous êtes qui, vous? Où que soit l'injustice, vous nous trouverez. Où que soit la souffrance, nous serons présents. Un texte. Si jamais la liberté est menacée, vous nous trouverez. Si jamais la liberté est menacée, vous nous trouverez. Les trois amigos. Qui c'est ces chimpanzés? Je n'en sais rien. Je vais le tuer, moi. Non. Allons dire à la loi pour ce qui se passe ici. Il n'en est pas. Ouh. Ah, bah c'était réussi. Pas mal pour une matinée. Oh, c'est bête, j'ai oublié une réplique. Oh, ils n'ont pas remarqué. Non, pas non, du tout. Ils ont mis que du feu. Hein. ¡Vivan los amigos! ¡Vivan los amigos! ¡Vivan los amigos! ¡Vivan los amigos! Le grenier pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on part. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes magiques de CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie, je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Ce fameux grenier rempli de mes souvenirs, de curiosités et, on doit le dire, d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, pas de sujet précis, non, j'ai plusieurs nouvelles liées au monde du vintage que j'aimerais discuter avec vous. Et tout ça en écoutant de la musique un peu spéciale. Cette semaine sur YouTube, je me suis mis à écouter des remixes de vieux génériques de nos émissions d'enfance et j'en ai trouvé plusieurs intéressants. Donc, au travers de mes discussions cette semaine, on va en écouter certains. Et bon, on débute avec un remix que j'aime bien, du générique des Barbapapa, qui est dans ma liste de chansons que je réécoute de temps en temps. Donc, on l'écoute dans le Grenier Pop. Venir

un micro, de l'imagination, de l'humour et beaucoup de bricolage sonore autour de tout ça. Et plusieurs de ces sagas, bon, sont devenues cultes pour toute une génération d'internautes. Parmi les plus célèbres, il y en a une qui a marqué énormément le monde, c'est le Donjon de Nahalbuk. Cette saga a été créée au début des années 2000 par John Lang, mieux connu sur le pseudonyme de Pen of Chaos. Le principe est simple, c'est une parodie des univers de fantasy et de jeux de rôle comme Donjon et Dragon. On y suit une équipe d'aventuriers qui part explorer un donjon mystérieux pour trouver des statuettes magiques. Mais le problème, c'est que cette équipe n'est pas exactement composée de héros les plus compétents. On retrouve un barbare très enthousiaste, mais pas très subtil, un nain obsédé par l'argent, une magicienne qui manque habituellement ses sorts, un ranger un peu dépassé par les événements et une elfe qui n'est pas toujours très utile. Bref, une bande d'aventuriers qui passe plus de temps à se chamailler qu'à sauver le monde. Et c'est exactement ça qui rend le donjon de Nahalbuk aussi drôle. Donc, dans un instant, on va retourner au début de cette aventure audio qui a fait rire des milliers d'internautes et qui prouve qu'avec un micro, quelques effets sonores et beaucoup d'imagination, on peut créer tout un univers. Alors, bon, on ouvre la porte du donjon et on écoute un extrait du donjon de Nahalbuk. On va écouter les 5 premières minutes de cette saga pour vous donner le goût à votre tour de l'écouter par la suite si vous ne l'avez jamais entendu. Eh merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuk. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, que personne en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne y est entré. Bonjour, bonjour! Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi! Et qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Un nain? Mais quelle horreur! Mais ta gueule! Mais s'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça, ta gueule. Voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez? Tu viens pour le donjon? Certes, je suis le voleur. Oh, un monstre! Salut! Ah, mais qui voilà donc? Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Et on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut! Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Ouais, il est con. Tarlouze. Bon alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches, bien de sûr quoi qu'on manger? A des torches. Et... Eh oui, on a est-ce que vous avez à boire et... Bien sûr qu'on a de la boisson. Est-ce que vous avez vos armes et... Bien sûr qu'on mais a des armes. Mais tu vas la fermer, oui. Mais quel chiant ce nain. Qu'est-ce qu'il a? Il a envie de chier. Ah, c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Sprudaf, Zagzag. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papiers. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule? Eh bah, puisque c'est comme ça, restez inculte. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a 2 heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog zog, Akita. Au fait, quel est le but de notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfer. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit? Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la hurie? Il dit qu'il a soif maintenant. Et qu'il boive et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon débarras. Elle nain, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah merde. T'as raison, rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo! Ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne! Vous voyez, ça marche. Mes amis, la porte est ouverte. Et voilà, nous allons entrer dans le fameux donjon de Nahalbeck. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement, l'ogre a chié à 2 mètres de la porte. Et où est la statuette? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle du trésor gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ouais, ça va pas être dur. C'est malin. Alors comme monstre, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins, des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ton post-it pour les courses. Désolé. Il n'y a pas de dragon? Ah, on n'a pas le niveau. Je crois que l'un d'entre nous devrait monter la garde à la sortie du donjon. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or. Oublie ça. Quelqu'un devrait faire un plan pour noter nos déplacements. J'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord, je m'occupe du plan. En avant! Stop! Vous êtes obligé de faire tout ce bordel quand vous marchez? Ah, c'est à cause de l'équipement. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, c'est parti! Tu connais la blague de l'or bourré? Non. Stop! Faudra m'expliquer pourquoi l'ogre chante à chaque fois qu'il marche. Attends, je vais lui demander. Gravos vota pas bozo. Il dit qu'il t'emmerde. Bon, d'accord, on n'en parle plus. Donc voilà, ça ressemble à ça, une saga MP3. Le donjon de Nahalbeck dure plus de 7 heures. Vous pouvez le trouver sur YouTube en recherchant le donjon de Nahalbeck intégral. Moi, je l'ai téléchargé sur mon iPhone et de temps en temps, je relance l'écoute en me couchant le soir dans mon lit. Donc, pour le télécharger sur YouTube, vous pouvez taper sur Google MP3 to YouTube et vous allez trouver une page qui permet ce genre de téléchargement. Comme vous avez pu l'entendre, le ton du donjon de Nahalbeck est largement humoristique. Moi, c'est ma saga MP3 préférée. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez peut-être reconnu une musique de film très connue en background de la saga à un moment donné. En effet, l'auteur a utilisé la musique du film Conan le Barbare, ce qui, je trouve, enveloppe bien la trame narrative et nous met bien dans l'ambiance donjon et dragon. Sinon, le donjon de Nahalbeck, comme il a été très populaire, il a aussi été adapté en bande dessinée avec toujours John Lang au scénario et Marion Poinceau au dessin. On parle ici de 25 tomes seulement pour l'adaptation qui reprend essentiellement les dialogues de la série. Et finalement, il existe aussi 4 albums de musique avec des chansons qu'on retrouve parfois dans la saga. On va écouter ici une de ces chansons du Nahalbeck, la chanson Troll farceur et Elf farci. Il marchait dans la forêt. J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Il traînait derrière lui un elfe tout empaqueté. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand mon ami troll du chaos. Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? Je lui dis mon ami, que vas-tu faire de cet homme? Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Il me répond, je vais le bouffer, farci avec des pommes. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand mon ami troll du chaos. Ah qu'il est fort, ah qu'il est beau, ah qu'il est grand mon ami troll du chaos. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il brandit sa massue et frappa vers ma tête. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Il voulait sans tarder m'ajouter dans l'assiette. Ah qu'il qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. J'ai évité l'assaut en courant dans les bois. En courant dans les bois, et quand je me suis retourné, ben il n'était plus là. Et quand je me suis retourné, ben il n'était plus là. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. Et j'ai suivi sa piste pour trouver sa caverne. Pour trouver sa caverne, puis je l'ai vu caché par-delà le gros chêne. Par-delà le gros chêne, à qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. Yeah! Prendre un objet pointu. Alors j'ai vu le troll prendre un objet pointu. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le. Et pour farcir les pommes, il lui enfonçait dans le. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. À qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. Qu'il est fort, à qu'il est beau, à qu'il est grand, mon ami Troll du Chaos. Maintenant, de retour dans ce grenier pop, on parle toujours de Saga MP3. Nous allons maintenant changer un peu de registre. On s'en va dans l'espace avec la saga Clyde Vanilla. Clyde Vanilla, c'est une série audio qui a été créée par Antoine Daniel et Wendot en 2017. La série suit les aventures du personnage éponyme Clyde Vanilla, un jeune homme naïf qui s'est donné pour objectif de trouver la pierre du destin, un objet mythique qu'il veut retrouver en hommage à son grand-père décédé. Mais bon, alors qu'il travaille en tant que soldat dans l'équipage d'un vaisseau de marchandises, ce dernier est pris d'assaut par le général Olista, un célèbre commandant d'armée. Clyde réussit par miracle à échapper au désastre en prenant la fuite à bord de Progog, une frégate volante. Et c'est cette histoire qu'on suit. Donc, on va écouter un extrait pour se mettre dans l'ambiance de Clyde Vanilla. Clyde Vanilla, épisode 1. Destination Destin. Comme chaque premier samedi du mois, dans les champs de blé des fermes reculées de la planète Trouillac, le jeune Clyde jouait sous la surveillance peu assidue de son grand-père. Clyde adore son papy, ce qui est étonnant vu que celui-ci le déteste. Ce dernier préférait largement être posé devant un match de Space Pétanque en fumant un bon gros joint de drogue tout droit importé de la planète Floriamati afin d'être complètement défoncé plutôt que d'endurer l'insupportable amour de son petit-fils. Oh papy, mon papy, tu m'offres une friandise? Oh putain, faut que je trouve le moyen de me débarrasser de cette petite merde. Oh papy, t'es trop beau, je t'aime. Ouais, ouais, tiens, viens Clyde, je vais te raconter une histoire importante qui se passe de génération en génération, c'est ça. Alors ouvre bien tes esgourdes, mon petit gars. Ce que Clyde ignorait, c'est que cette histoire allait bouleverser sa destinée à tout jamais, et pour toujours. Oh, j'adore. Et pour une très longue période, pour ne pas dire sa vie entière. Oh, j'adore quand tu me racontes des histoires, mais cette fois, ça peut être autre chose que l'histoire de l'enterrement de grand-mère. Eh, ta gueule. Alors, il existe un artefact très puissant, caché au fin fond de l'univers. C'est une sorte de caillou qui s'appelle la pierre du destin, voilà. Et en vrai, ça a plutôt la forme d'une poire à lavement. Mais son pouvoir renferme une grande puissance. Son pouvoir renferme une grande puissance? Waouh, ça a l'air génial! Oh papy, j'ai l'impression que ça veut rien dire, mais je te promets qu'un jour je trouverai cette pierre et je te la rapporterai coûte que coûte. Je serai devenu un grand héros et tu seras fier de moi. Ouais, ok, c'est cool. Il est vraiment trop con, il avale tout ce que je lui dis. Oh non, papy a avalé de travers. N'écoutant que son courage, Clyde commença à pratiquer une fois de plus le bouche-à-bouche à son grand-père, mais cette fois-ci dans l'objectif de le sauver. Mais sans succès. Il décida donc de lui pratiquer un massage cardiaque en l'écrasant de tout son poids. T'appuies trop fort. Hélas, son cher grand-père venait de rendre son dernier souffle. C'est vraiment pas de bol. Papy, je te promets qu'un jour je respecterai ma promesse et je te jure sur ta tête, même si t'es mort, que je retrouverai la pierre du destin. Et c'est donc ce jour-là que Clyde trouva un but à sa vie. Et c'est donc ce jour-là que j'ai trouvé un but à ma vie. Et toi, il est mort comment, ton grand-père ? Alors moi, mes parents m'ont toujours dit que quand je suis né, mon grand-père a vu mon visage et ensuite il s'est suicidé. Mes parents m'ont toujours tenu responsable de sa mort et depuis, ils me parlent plus. Ah, d'accord. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir soldat sur un gigantesque vaisseau de marchandises comme le nôtre ? Ah, cette huître est vachement sèche. Est-ce que tu peux cracher dedans, Billy, s'il te plaît ? Ah oui, bien sûr, donne, vas-y. Voilà. Ah, merci. Ah ouais, alors donc, pour répondre à ta question, bah je voulais voyager un peu pour trouver la pierre du destin. Mais tu dis vraiment de la merde, ça existe même pas un truc pareil. Mais si Billy, elle existe, mon grand-père me l'a dit et il aurait jamais osé me mentir. T'es tellement con, tu gobrais n'importe quoi, ça m'étonne même pas que t'aies pas de copine. Ouais bah, je préfère être seul que d'avoir pour copine une petite fille dessinée sur mon édredon. Oh, je ne te permets pas de parler de ma waifu comme ça. Ne l'écoute pas, Mikoto, il ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Ah, je suis désolé de vous avoir vexé, par contre Billy, tu peux arrêter de lui rouler une pelle devant moi, s'il te plaît. Les recrues Clyde et Billy sont demandées dans le bureau du capitaine Mousseur immédiatement. Merci. Putain, le mec, il suit du cul en masse. Je raconte pas l'effet de fou que ça me fait. Donc voilà pour Clyde Vanilla, une saga qui dure un petit peu plus de 3 heures et que moi j'ai bien aimé. Bien sûr, il existe plein de sagas MP3 de différentes qualités. Moi, je vous parle en ce moment des meilleures que je connais. Ensuite, vous pourrez bien sûr en découvrir par vous-même sur YouTube. Moi, le critère premier quand je choisis d'en écouter une, c'est le son. Les sagas qui sont enregistrées là, avec des micros de moindre qualité, c'est un peu difficile à écouter. Donc, pour moi, le son reste le principal facteur qui fait que j'écoute une saga. Ensuite, ben, il suffit de trouver une saga avec un sujet qui nous intéresse et on plonge dedans. Une autre que j'ai bien aimée, dont je veux vous parler, se nomme Ado Prixto 6, la planète mystérieuse. Une équipe de sauvetage est envoyée avec un vaisseau spatial à proximité de la planète Ado Prixto 6 afin de récupérer l'équipage d'un vaisseau cargo en péril. Abattu par un trou noir, ses membres s'écrasent sur la planète qu'ils survolaient. Cette planète, aux abords hostiles, se révélera plein de surprises. On écoute un extrait. Ado Prixto 6, la planète mystérieuse. Épisode 1er, le naufrage. Journal de bord du vaisseau Broken Mirror. Capitaine Gloomy au rapport. Il y a 2 semaines, nous avons reçu le message de détresse suivant. Ce message a été envoyé depuis un vaisseau cargo en perdition aux alentours de la planète Ado Prixto 6. Notre mission, si nous l'acceptons, et nous l'avons accepté, sauver les rescapés du crash. C'est avec un courage incommensurable et une foi sans faille envers l'humanité que nous avons traversé la galaxie afin de libérer ces pauvres âmes perdues, livrées à elles-mêmes dans cet univers hostile où règne le chaos, la terreur. Mais moi, le capitaine Gloomy, je vous le dis, je n'ai pas peur, car mon destin est de répandre la paix, la justice, et les créatures du mal ne peuvent que craindre ma main vengeresse. Je suis le sauveur. Voilà votre papier de toilette, capitaine. Mais Kevin ! Ben quoi ? Vous m'avez coupé en pleine inspiration. C'est madame l'infirmière qui m'a dit que vous aviez des hémorroïdes, alors je vous ramène des papiers de toilette plus doux. C'est pas la question, regardez là sur la porte. L'écriteau ? Oui, c'est ça, l'écriteau. L'écriteau ? L'écriteau. Oui, alors ? Lisez ce qu'il y a marqué dessus. Note masturbe ? Oui, non, il y a marqué « Do not disturb ». Ça veut dire qu'il ne faut pas me disturber pendant que je fais mes enregistrements parce que sinon, ça me déconcentre ! Ouais, bon, ça va, c'est pas la peine de rouspéter, hein. Mais je rouspète pas, Kevin. Ah bah si, là, vous rouspétez un peu. Bon, d'accord, un peu, mais vous êtes stagiaire, vous êtes là pour ça. Ah, vous avez un robot R2-D2, c'est non, trop Kevin, cool, c'est un robot Kevin. R2-D2. J'ai même demandé à ma maman de m'acheter un robot R2-D2, mais elle a pas voulu. Elle a dit que ça servait à rien, un robot R2-D2. Kevin. Mais pourtant, on peut faire plein de trucs avec un robot. Oh, Kevin. Bah quoi? C'est pas un robot, c'est mon micro-ondes, il est midi, j'allais manger. Oui, c'est rigolo comme sonnerie. Et encore, il y en a plein d'autres, hein. J'ai pas que celle-là. Regardez, il y a celle-là. Celle-là. Oh, hé, hein? Bon, celle-là aussi qui est sympa. Moi, je l'aime bien, celle-là. Et ça, c'est le bruit que ça fait pendant que c'est en train de cuire. Ah, c'est chouette. Ouais, en plus, ça rend super bien pendant que j'enregistre mon carnet de bord. C'est pour ça que j'enregistre toujours à midi, d'ailleurs. Ouais, elle est pas mal non plus, celle-là. C'était pas le micro-ondes. Ah bon? Désolé. Robot, garde du corps de votre propre sécurité, rapproché à votre protection propre à vous-même. Matricule KROTE 718ZG614BGNV610124GYZROVE08235567GC614BGNV614. À votre service, capitaine. Bon, deux choses. La première, on va t'appeler KROTE. Ce sera plus simple pour tout le monde, et surtout pour moi. La deuxième, j'aimerais que tu frappes à la porte. À vos ordres. Ah bah, Capitaine Gloomy, vous avez peu de portes maintenant. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Capitaine Gloomy, on requiert votre présence sur le pont de commandement immédiatement. Très bien. Téléportation. On n'a pas le budget pour la téléportation. Bah d'accord, mais je fais quoi? Bah je sais pas, improvise. Très bien. Ascenseur. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est la saga Ado Prixtoxis. Sinon, sans faire jouer d'extrait, je peux vous dire qu'il existe aussi des sagas qui reprennent le style de Star Trek, par exemple. Une qui est populaire, c'est Star Truck. Il y a aussi des sagas dans l'univers de Pokémon, Harry Potter, Zelda, bref, tout ce qui est le moindrement populaire a une saga qui lui rend hommage. Il suffit donc de chercher dans YouTube les mots-clés saga MP3 pour vous remplir les oreilles de belles aventures. Pour terminer sur le sujet et clore l'émission, je termine avec ma deuxième saga préférée, Les Aventuriers du Survivor, une saga audio réalisée par Franck Guillois. Elle est composée de 18 épisodes, ce qui nous donne environ 3h30 en tout. Il s'agit d'un space opéra parodique et humoristique inspiré, entre autres, des sagas spatiales telles que Star Trek ou Star Wars. Donc, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Dans un futur relativement lointain, la Terre, qui dirige un consortium multiplanétaire, est menacée par de cruels extraterrestres, les Krygonites. Pour déjouer ces cruels monstres tentaculaires, un équipage hétéroclite est envoyé par les dirigeants du consortium sur la planète Muliari dans le but de ramener sur Terre de l'hilarium lourd, élément indispensable à la fabrication d'une arme secrète pour vaincre les Krygonites. Mais bon, pour mener à bien cette mission, ce groupe de héros est affecté au vaisseau le plus miteux de toute la galaxie, le NHL 2987 Survivor. On écoute l'extrait. Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Résumé des épisodes précédents. Non mais il n'y a pas d'épisode précédent là. Ah. Bah non, c'est le premier. Alors forcément, il n'y en a pas. On me dit jamais rien à moi. Voilà, c'est ça. Bon bah, à l'aventure tout de suite alors. Action ! Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps. D41. D8C. D98. F00B. Capitaine. 4E. Capitaine, c'est trop long. Pardon. Ça ira, continuez. Merci. Nous avons passé la planète Elgador. Dernier bastion de la zone contrôlée par le consortium. Ici commence l'inconnu, la mission qui nous a été confiée. Cela fait maintenant 6 jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. Capitaine, du café? Johnson, vous ne voyez pas que j'enregistre? Désolé. Ici commence l'inconnu. Cela fait 6 jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. L'utilisation d'un vaisseau... Du thé? Ah! Ah, ça enregistre encore. Mais non, je suis en train de parler tout seul devant une boîte. Oh, ça va. D'un vaisseau, thé. Quel abruti. L'utilisation d'un vaisseau plus récent nous aurait certainement épargné 5 jours de voyage, mais nous sommes tout de même honorés d'avoir été affectés au NHL Survivor. Voilà, ça ira. Ça, c'est bon pour le magnéto, mais c'est quand même un vaisseau de merde. Quelle galère! Votre langage, capitaine. Johnson, vous savez comme moi qu'à cette vitesse, nous n'arriverons sur Muliari que dans 3 siècles environ. Non, capitaine. 120,487 années, très exactement. Rex, silence! Le mot de passe est requis pour cette instruction. Putain, tu fais chier! Mot de passe incorrect. Johnson, j'en ai assez. Allez, capitaine, reprenez-vous. Non, c'est foutu d'avance. C'est une mission difficile, mais selon MacGregor, elle n'est pas impossible. Souvenez-vous du briefing dans le spatioport? Oui, je m'en souviens. C'est ici le bureau de l'amiral. Oui, ce nom. Un quoi ? Un comment ? C'est incompréhensible, capitaine. Merci, j'entends, j'ai des oreilles. Rentrez, quoi, merde ! Il faudrait faire réviser votre interphone. Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! Pardon ? Capitaine, l'heure est grave. Vous voyez comme elle grave ? Oh mon Dieu ! Ça ne fait aucun doute. Les Krygonites ! Oh mon Dieu ! Qu'ont-ils encore fait, amiral ? Ils tiennent notre planète. Ils seront là d'un jour à l'autre. Nous avons été contraints de nous constituer prisonniers lors du dernier assaut de l'ennemi. Oh mon Dieu ! Ça ira, Johnson. Amiral, comment est-ce possible ? Nous sommes la plus grande puissance de la galaxie. Plus maintenant, grâce à leur arme secrète. Les Krygonites nous ont ridiculisés. Mais quelle arme secrète ? Je n'en sais rien, elle est secrète. Mon Dieu, mais qu'allons-nous faire ? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous tenons encore le spatioport, ainsi qu'un des meilleurs vaisseaux de la flotte. Et non des moindres, c'est le terrifiant. L'indestructible. Le magnifique. NHL survivant.